de moi. Il m'est difficile de croire ce que je vois. En combien de temps va passer à l'action? En combien de temps va une destruction? Une maladie vénérienne avec tant de traces. Ah yeah. Souvent la crainte d'une maladie, mais simplement l'empêchement d'une nouvelle vie. Écoute-moi bien, je te laisse pas plus d'un choix. Tu peux rester ignorant, tu peux devenir comme moi. Si ignorant, c'est ton choix, tu as peur d'enfreindre la loi. Tu verras bien qu'un jour tu regretteras de l'avoir choisi cette voie. Et les ridicules de ta croire, de souvent tout c'est tout à fait normal. Se foirer dans un cauchemar serait tellement banal. Tu ne vois pas de différence entre des formes de tension, ça va faire mal. Tout au moins je te promets, tu verras ce jour à l'hôpital. Inacceptable, c'est toujours pour toi, c'est l'élimination. Femme à femme, inacceptable, qui empêche une vie, c'est une violation. Homme à homme, inacceptable, c'est toujours pour toi, c'est l'élimination. Femme à femme, inacceptable, qui empêche une vie, c'est une violation. Lorsque je regarde autour de moi, il m'est difficile de croire ce que je vois. Pour combien de temps va passer à l'action? Pour combien de temps va une destruction? Toutes ces maladies vénériennes avec tant de traces. Ah, il est souvent la crainte d'une maladie, mais simplement l'empêchement d'une nouvelle vie. En ma homme, inacceptable, tout le pour toi, c'est l'élimination. Femme à femme, inacceptable, tu empêches une vraie vie, c'est une violation. Homme à homme, inacceptable, c'est pour toi, c'est l'élimination. Femme à femme, inacceptable, tu empêches une vraie vie, c'est une violation.